J'abandonne jamais. J'ai passé la 7. A plus de 200, j'peux perdre ma vie comme les Wii 7. Les cas sont en plus métaux. J'espère que toi t'es sûr de what. J'attends le donneur de go. J'ai déjà rentré l'adresse sur Was. Nique ça, remets frère. J'peux pas finir politaire. Ça café la Timal. Envoie ton bleu ce soir, j'suis connecté. Nique ça, remets frère. J'peux pas finir politaire. Y'a deux, trois latinas. Me demande ce soir laquelle j'veux me faire. Ils veulent passer le balai dans ma vie alors que l'heure est sale. J'ai baigné dans le Benz, attiré par la monnaie sale. Ils veulent passer le balai dans ma vie alors que l'heure est sale. J'ai baigné dans le Benz, attiré par la monnaie sale. On les voit sur la moto, mais c'est la vision au max. On va la pression, pull-up sous eux comme un Sinaloa. Elle veut que je devienne son papi chulo, que je devienne son mat. Obligé de lui faire un boulot, y'en qui veut que de la 09. Les deux pieds dans la musique, ah, mais j'touche à tout. Ils veulent connaître le prix de la watch, combien ça coûte. Les deux pieds dans la musique, ah, mais j'touche à tout. Ils veulent connaître le prix de la watch, combien ça coûte. J'irai le bis, toi tu vas faire Walou, pourquoi tu la ramènes. J'ai plus d'un coup dans mon sac, j'fais pas d'échecs sur le damier. Ça sent la serre dans la zone, j'appuie sur le bouton, j'me vaisseau. Et les petits tout en bas se prennent pour les chefs de réseau. Ils veulent connaître le prix de la watch, j'fais pas déballer toute ma vie. Tu veux trotter, tu vas te manger un penalty. 2-0 montage dans l'équipe de la Cero. J'mise tout sur un coup de poker, t'inquiète même pas, j'suis sûr de moi. Ils veulent passer le balai dans ma vie alors que l'heure est sale. J'ai baigné dans le Benz, attiré par la monnaie sale. Ils veulent passer le balai dans ma vie alors que l'heure est sale. J'ai baigné dans le Benz, attiré par la monnaie sale. On les voit sur la moto, baisser la vision au max. On voit la pression, pull-up sur eux comme un Sinaloa. Silence, ici on travaille.